Tocala. Non, je suis content naturellement. Et savoir service. Je suis à votre service. Allez, toutes les questions. Moi, c'est. Je m'appelle. Ah là, mais c'est compliqué. Là. Et vous êtes. Si je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à la quête de la vérité, de connaître l'esprit de Dieu, quelle est la vraie nature, le vrai esprit de Dieu. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons cru, nous avons donné notre vie à Jésus, mais moi particulièrement, j'essaie de vivre, c'est difficile, mais c'est... Tu tiens nos pas, quoi. Bon, j'essaie, j'essaie. Bon, ma soeur, elle est en France. Et c'est parti d'une conversation que nous avons eue avant-hier en ligne. Et c'est où elle m'a envoyé plein de témoignages, bambaïba, ma soeur écoute, voilà. Et en écoutant, j'étais vraiment intéressée. Et elle me dit, voilà, oui, moi aussi quand j'ai écouté, mon cœur a fait manger. Et qu'à cela ne tient rien, même au Cameroun, hein, je dis en bon, si au Cameroun, dis-moi, moi je suis au Cameroun, donc je vais chercher. Et c'est donc comme ça qu'elle cherchait, elle ne pouvait pas les numéros, et après elle a trouvé des numéros, elle m'a envoyé une série de numéros où j'ai essayé d'appeler, je suis tombée sur la soeur. Et mon épouse, c'est la soeur Grâce. Elle me l'a dit au téléphone. Et d'où ma présence. Et elle aussi, elle était tellement contente et elle m'a dit, voilà, pardon, si tu arrives, appelle, tu mets le groupe à l'heure pour qu'on échange tout ça. Elle n'a pas, elle est où en France? Elle est en France. Elle n'a pas Skype? Non, je ne sais pas, mais on fait par WhatsApp. Je ne sais pas si le réseau va nous permettre, mais qu'à cela, notre... Non, il y a le Wi-Fi là, on va connecter sur Wi-Fi. Si vous êtes sur Skype, on appellerait là-bas. Donc voilà d'où ma... Mais on était en France, ça veut dire que nous étions en France. Bon. Ouais, ces derniers temps, on était en France en mai. Mai, juin, c'est ça? Oui, mai, juin. Nous sommes en fait, en juin, on était en Allemagne. D'où ma présence, mon frère. C'est vrai que j'ai eu une vie, moi, je parle d'abord de moi. Tellement tumultueuse. Tellement tumultueuse. Au point où je me suis demandé quelle est même ma mission. Au point où j'avais vraiment envie, j'avais des esprits suicidaires. Parce que j'étais tellement mal en point, la santé n'allait pas. Ne parlez pas encore de cela, mais il y a quelque chose que je voulais penser. Tu as dit que tu étais à l'aise, non? Oui, c'est pas dans la vie. Pas la semaine. C'est... Il y a des révélations qui peuvent diviser. Des révélations qui divisent. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a une révélation qui divise. C'est ça que c'est le plus grand de la situation ici. Donc, voici quelque chose. On donne une révélation et cette révélation aussi crée des divisions. Vous avez compris ce qu'il dit? C'est ça, donc, c'est ça le plus grave là-dedans. Normalement, vous êtes trop vite venu. C'est trop vite. Oui. Vous avez suivi quoi? C'est Bamba Iba. Il y en a 700. C'est 700 enseignements là. Non, moi particulièrement, je n'ai pas encore suivi les enseignements. Je voulais que suivre le témoignage avec la connexion qui n'est pas bonne d'une petite fille dont son papa voulait le jeter. Je ne sais pas, Mélissa. Et Mélissa, qui je n'ai pas suivi parce que la connexion n'était pas bonne. Et le témoignage en cours d'un frère qui témoignait comment il a été persécuté par sa famille, il habitait chez une dame. Pendant je ne sais combien de temps, j'ai pas encore fini le témoignage, mais il a raconté tellement, il fréquentait à Cham. C'est le témoignage de Satan, mais donner les prophéties. Oui, frère, j'ai le titre, c'est ça, parce que ma sœur m'a envoyé le titre. Voilà. Donc là maintenant, comme tu es au Cameroun, tu n'as pas besoin d'aller chaque fois dépenser sur le net. Il te propose de trouver une clé USB. Tu vois, comme ça, mais un cadre de mémoire de 16 gigas. Il te met les enseignements dedans. Tu écoutes. Le monsieur là, il sort des États-Unis.

Mon patience a rempli, d'accord? D'accord. C'est pas compliqué d'arriver ici, mais la route est quand même mauvaise, n'est-ce pas? Donc bienvenue, d'accord? Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise, ne t'inquiète pas. Pourquoi je suis à l'aise? Ouais, bien. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Connecte-la sur WhatsApp, alors on pose avec sa soeur, c'est comme elle veut. Ah, elle est sur WhatsApp. Ouais, je te dis, fais un appel. Mais sur Skype, là, elle n'a pas Skype, comment? Ok, alors je ne peux pas aller sur ta mère, ça va être plus tard. Je suis en 4 gigas, tous les enseignements. Les enseignements qu'on a fait à l'époque, là, il n'y a pas de parce que comme vous allez la manger ici. Donc, ça, c'est des enseignements au moins de 29 gigas, ils t'envoient comme ça. Mais presque tous les enseignements, presque tous les enseignements sont sur une lettre. Donc tu les as ici. Donc tu prends ton temps d'ouvrir, tu regardes les titres, ce qui t'intéresse. Là où tu es parti, je vois les titres, comment tu veux. Oui, allô, ma mère. Bon, bébé, c'est la main. Ça va et toi? Ça va, oui. Ok, je suis avec la soeur Grace et le frère et Junior. Le frère Junior. C'est pas mieux de mettre connecté sur une lunette ici, là, comme ça, on pourra faire vidéo, il n'y a pas de problème. D'accord, attends, hein. On va mettre le wifi et comme ça on pourra parler aisément. D'accord. Donc, je suis au volant. Tu es au volant, hein. Je suis au volant. On te rappelle dans combien. On te rappelle dans combien de temps? Ok. D'accord, tout à l'heure. Dans 5 minutes, c'est ça? Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Tu m'appelles Frère Junior, d'accord? Frère Junior. L'espace des disques FR, peut-être. Non, non, je ne pas dit. C'est vrai, oui, il y a beaucoup de. Parce que. Show me the way one day I'll return. Vous convenez donc le jour de la prière, d'accord? Après la prière, on va prendre une prière, on va voir ce qu'il en est. Tu dis que tu es sur ton cœur, vraiment prêt à suivre. Bon, maintenant il y a des rêves. Je veux que tu me parles des rêves durant ce moment où ta maman était malade. De cette période jusqu'à ce qu'elle décède. J'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui te dérange. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parfois, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Dites-moi ce qu'on a dit. À un moment donné, mon papa était à prison. Dernièrement, il y a encore quelque chose qui est sorti après même le décès de mon papa. Donc, déjà, le rêve que ma nièce avait fait, elle dit que quand elle est arrivée, après, elle a vu un animal et elle ne pouvait pas dire quel était l'animal parce que l'animal avait plusieurs formes. Parfois, c'était l'éléphant, parfois, la panthère, parfois. Donc, c'était plusieurs animaux en une seule forme. C'était un malaxage. Voilà.